إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous allons inshallah donc continuer la série de cours sur les explications des أربعين النووية de l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et nous en sommes donc arrivés au cours numéro 27. Dans lequel nous traitons actuellement les explications des piliers de la foi. Donc on a déjà vu dans le détail les explications de ce hadith-là, par les explications donc des savants de la sunna. Donc on a pu tirer plusieurs bénéfices, Inch'Allah, walillah alhamd. Nous avons donc expliqué la différence entre l'islam et l'iman. Nous avons également expliqué, et on est dans le détail, les différents piliers de l'islam. Et nous avons commencé donc les piliers de la foi. Et nous en sommes enfin arrivés au cinquième pilier de la foi qui est le jour dernier, la croyance au jour dernier. Donc tous les cours sont mis à disposition sur le site internet. Donc nous continuons avec les explications de Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. On s'était arrêté sur la croyance au jour dernier. Et nous n'avons pas terminé ce pilier-là. Donc on va essayer, Inch'Allah, de terminer donc, enfin d'avancer dans ce pilier-là, car l'explication, elle est encore assez longue sur ce pilier, Inch'Allah. Donc le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, avait donc mentionné le verset de Sourate Al-Hajj. C'était donc sur ce verset-là, de Sourate Al-Hajj, dans lequel Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens des versets, ce sont les versets 5 et 6, si on s'en souvient bien, Inch'Allah. Les versets 5 et 6 de Sourate Al-Hajj. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de la terre. C'est nous qui vous avons créé de terre. Puis d'une goutte de sperme. Puis d'une adhérence. Puis d'un embryon normalement formé aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Et ensuite, lorsqu'on continue la lecture du verset, dans la traduction du sens, puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Donc ça, cette partie-là du verset, elle n'est pas mentionnée dans les explications de Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah. Donc lui, il a commencé à mentionner à partir du verset 5, où est-ce que c'est à partir de « De même, tu vois la terre desséchée ». Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Donc il faut bien qu'on médite sur ces versets-là de 5 et 6 de Sourate Al-Hajj. Ensuite, dans la traduction du sens du verset 6 de Sourate Al-Hajj, il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. D'accord ? وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. D'accord. Donc, pourquoi ces versets-là ont été cités donc, par le Cheikh? Parce qu'il mentionne, il mentionnait que Allah Azza wa Jal nous a créés, comme on a pu le lire dans le verset 5, comment Allah Azza wa Jal nous a créés. Puis, de bébés ont grandi jusqu'à l'état vil, certains vont mourir plus jeunes, d'autres vont mourir à un plus vil âge. Et lorsqu'ils meurent, eh bien Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal nous redonnera la vie, nous recréera. Donc, il y en a qui ont renié cela. Ils ont renié cela. Car pour eux, ils ont voulu utiliser leur raison en disant que ce n'est pas possible qu'une fois on meurt, eh bien, on soit recréé de nouveau et que, yani, on soit recréé de nouveau par Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal donc a donné l'exemple, vous voyez dans le verset 5, la terre qui est morte, d'accord, eh bien Allah Azza wa Jal lui donne vie. De même, tu vois la terre desséchée, dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. D'accord ? Et c'est pour ça que ensuite c'est lui qui rend la vie aux morts. C'est lui qui rend la vie aux morts. Allah Azza wa Jal donc rend la vie aux morts. Une fois que les individus sont morts, il leur redonnera la vie, les recréera. Il leur redonnera la vie. Et pour le jour de la résurrection, pour le jour du jugement. Pour le jour du jugement. Donc il dit le shir, فَهَذَا شَاهِدٌ يَرَاهُ النَّاسُ وَلَا يُنْكِرُونَهُ مَنَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى إِحْيَاء هَذَا النَّبَاتِ وَمَنَ الَّذِي أَخْرَجَ مِنْ هَذَا الْحَبَّ الْيَابِسِ الْوَرَقَ وَالْأَغْصَانِ وَالثِّمَارِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِذَا كَانَ يَبْعَثُ هَذَا النَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ La yu'jizuhu shay'un subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite le Cheikh Saleh Fawzan hafizahullah, il dit donc eh bien ce témoignage là, le fait que Allah Azza wa Jal a donné comme exemple une terre morte, eh bien il lui redonne la vie. Les gens peuvent le voir, ça peuvent le constater. Eh bien la terre était morte et regarde que maintenant il y a de la végétation dessus. Elle était morte, cette terre-là. Allah Azza wa Jal lui a redonné la vie. Et bien, comme à cette terre-là qui était morte, Allah Azza wa Jal lui redonne la vie, et bien, ce sera de même pour l'individu. Comme il sera mort, et bien, Allah Azza wa Jal lui redonnera vie. D'accord ? C'est pour ça qu'il dit, et bien, ça, ce témoignage-là, et bien, les gens le voient et ne le renient pas. Qui donc peut redonner la vie aux plantations, à la terre, qui donc peut leur redonner la vie, et qui donc peut faire sortir de cette graine-là dure des feuilles et des fruits? Eh bien, c'est Allah le Très-Haut, c'est Allah le Très-Haut. Donc, si Allah Azza wa Jal, eh bien, redonne la vie aux plantations après leur mort, eh bien, Allah Azza wa Jal peut, eh bien, redonner la vie aux morts qui sont dans les tombes. Eh bien, cela n'est pas difficile à Allah Azza wa Jal. وأيضا لو لم يكن هناك بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا. Ensuite, il dit le Cheikh Hafidhahullah également. Eh bien, s'il n'y avait pas en fait de, yani, le fait que Allah Azza wa Jal redonne la vie, s'il n'y avait pas en fait le fait qu'Allah Azza wa Jal redonne la vie, eh bien, aux morts, c'est-à-dire qu'ils meurent et puis ça y est, c'est terminé comme cela, et qu'il n'y aurait pas de rétribution pour les œuvres qui ont été faites, eh bien, la création des créatures aurait été pour rien. Yani Allah Azza wa Jalla les aurait créés pour rien. Juste, il vit, il meurt. Ils ont fait des œuvres, mais personne n'est rétribué pour les œuvres qu'ils font. D'accord? Donc il dit, cela aurait été, eh bien, le fait qu'Allah Azza wa Jalla les aurait créés, ben, ils auraient créés pour rien. كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون. Donc le cheikh Saleh Hafidhahullah, il dit, comment donc, eh bien, les individus donc ont été créés par Allah le Très-Haut, Allah Azza wa Jalla les a créés, et eux, ils font des œuvres vertueuses ou des œuvres de mécréants. Puis, ils meurent et ils sont délaissés comme cela. Il dit, « هذا لا يليق بعدل الله جل وعلا. » Cela ne sied pas à la justice d'Allah le Très-Haut. Cela ne sied pas à la justice d'Allah le Très-Haut. « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق. » Donc ensuite le cheikh, il mentionne la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset de Sourate Al-Mu'minun, verset 15. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah le vrai souverain. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Voyez, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Ceci donc, c'est une question qui leur est posée à ceux qui essaient de renier le fait qu'Allah Azza wa Jal redonne la vie aux morts. Vous voyez dans Surat Al-Mu'minun, donc les versets 115-116. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Donc on se remémore les versets de Sourate Al-Hajj, versets 5 à 7, dans lesquels Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple d'une chose que on peut constater, d'accord, visuellement, la terre. Dans la traduction du sens des versets, de même tu vois la terre, hein, les versets 5 à 7 de Sourate Al-Hajj, de même tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Donc là, on voit que Allah Azza wa Jal nous a donné un exemple qui pour nous est visuel. On peut voir une terre desséchée morte, et bien on voit que Allah Azza wa Jal lui redonne la vie et elle se met à voir des plantations. De cette graine-là qui est dure, eh bien Allah Azza wa Jal fait que de cette graine-là qui est dure, eh bien il y a des arbres qui vont pousser, des feuilles, qui va avoir des feuilles, qui va avoir des fruits. Vous voyez? À partir d'une terre morte, Allah Azza wa Jal lui redonne la vie. À partir d'un grain dur, vous voyez les graines-là, qui sont dures, eh bien Allah Azza wa Jal donne la vie en faisant sortir des feuilles, des arbres, des fruits, etc. D'accord? Puis, le Cheikh, Hafidhahullah, mentionne donc ces versets-là de Sourate Al-Mu'minun, les versets 115 et 116. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. D'accord? Donc ça, c'est donc une réfutation donc à ceux qui renient le fait qu'Allah va ressusciter les gens. تعالى الله عن هذا فالله جل وعلا لا بد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار ويجازي المؤمن بإيمانه ويجازي الكافر بكفره وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Ensuite, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, donc mentionne, eh bien, Allah est au-dessus de ce qu'essaie de lui attribuer, donc, ceux qui renient la ressuscitation. Ils veulent dire que Allah Azza wa Jal, eh bien, a juste créé les gens comme cela, et puis il les a laissés, et puis et ils meurent, et puis il n'y aura pas de ressuscitation. Allah Azza wa Jal ne va pas leur redonner la vie, ils vont juste vivre et puis mourir comme cela. Yani, cela ne sied pas à la justice d'Allah Azza wa Jal, comme dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. D'accord ? Il dit, eh bien, il faut que Allah Azza wa Jal, eh bien, redonne la vie. Et c'est Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal va redonner la vie aux gens après leur mort. Et il va différencier entre les croyants et les mécréants. Et il va rétribuer les croyants de par leur foi. Et il va rétribuer les mécréants de par leur mécréance. Ensuite, il mentionne les versets de Surat Sad, qui sont les versets 27 à 28, dans la traduction du sens des versets. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ceux qui existent entre eux en vain. Vous voyez la réfutation à ceux qui renient. Jusqu'à ce qu'il y en a, même dans certains pays musulmans, qui se réunissent dans les cafés et qui renient le châtiment de la tombe. Ou qui renie le fait qu'Allah Azza wa Jal va recréer les gens après leur mort. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Sad, verset 27, dans la traduction du sens, « Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ceux qui existent entre eux en vain. » Yani, il n'a pas créé Allah Azza wa Jal le ciel, les cieux et la terre, le ciel et la terre, et tout ce qui existe entre le ciel et la terre, il ne les a pas créés comme ça pour rien. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Voilà ce que pensent ceux qui ont mécru. Ils croient que Allah Azza wa Jal, eh bien, a créé cela pour rien, en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Ensuite, le Cheikh Hafidhullah il dit كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم حاشا وكلا ثم إن الله هدد الكفار والمشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون فدل على أن البعث لا بد منه وأنه كائن لا محالة والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. Ensuite, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, toujours dans l'explication de ce cinquième pilier de la foi, d'accord, qui est la croyance au jour dernier, eh bien, il dit, tous vont mourir et ils ne seront pas ressuscités. Et ils ne seront pas rétribués de par leurs œuvres. Allah est exalté et au-dessus de tout ce que peuvent renier et mentir ceux qui mécroient au jour dernier. Puis Allah le Très-Haut a menacé les mécréants et les polythéistes et les associateurs et les pécheurs, les désobéissants, que par le fait que, eh bien, ils vont retourner vers leur Seigneur et qu'ils seront jugés et ils seront rétribués. Donc cela prouve que le fait qu'Allah Azza wa Jal va ressusciter les créatures, eh bien, cela va arriver. C'est obligatoire que ça va arriver. Et que cela va arriver, yani va arriver, quoi qu'en pense ceux qui le renient, ça va arriver. Ce dunya, ce bas monde, est une maison où les gens œuvrent. Tandis que l'au-delà, eh bien c'est une maison de rétribution. Donc cette dunya-là, ce bas monde, c'est une maison où les gens œuvrent, tandis que l'au-delà, c'est une maison de rétribution. Cela est la sagesse d'Allah le Très-Haut. Cela donc est la sagesse d'Allah le Très-Haut. فدل هذا على أن هناك دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ولو لم يكن هناك بعث لصاروا كلهم سواء المحسن والمسيء والمؤمن والكافر ليس هناك فرق في الدنيا إنما الفرق في الآخرة قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Donc ensuite il dit le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc cela prouve que il y a une autre demeure. Donc il y a la demeure d'ici-bas dans laquelle juste les gens œuvrent. Et il y a la demeure de l'au-delà où c'est uniquement de la rétribution, pas d'œuvre. Là où les gens œuvrent, c'est dans la demeure d'ici-bas. Et dans l'au-delà, c'est une demeure de rétribution. Donc cela prouve que donc il y a, d'accord, une demeure dans l'au-delà dans laquelle sera rétribué le bon de par ses bonnes œuvres ainsi que le mauvais de par ses mauvaises œuvres. Donc le bon sera rétribué par les bonnes œuvres qu'il a faites et le mauvais sera rétribué par les mauvaises œuvres qu'il a faites. Et s'il n'y avait pas de retour vers Allah, eh bien tous les gens seront égaux, c'est-à-dire le bon et le mauvais, le croyant et le mécréant, qu'il n'y aurait pas de différence dans, yani, sachant qu'il n'y a pas de différence dans ce bas monde, mais la différence est dans l'au-delà. Il va expliquer, il n'y a pas de différence dans ce bas monde. Il y a une différence, certes, que il y a un croyant et un mécréant. Les gens sont de deux sortes. Soit ils sont croyants, soit ils sont mécréants. D'accord ? Mais il n'y a pas de différence dans le sens que, eh bien, ils vivent. D'accord ? Donc il va expliquer cela par la suite, le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah. Donc il dit, il n'y a pas de différence donc dans ce bas monde, mais il y aura donc les différences, le fait qu'ils vont, yani, les séparations vont se faire donc dans l'au-delà. Les séparations vont se faire dans l'au-delà. Allah le Très-Haut a dit dans Sourate Ar-Rum des versets 14 à 16, dans la traduction du sens des versets, le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront. Ce jour-là, ils se sépareront. Et ensuite, lorsque vous lisez la suite du verset dans la traduction du sens, ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. D'accord? Ceux-là seront amenés au châtiment. وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. Et Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset 7 de Surat Ash-Shura, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. يتفرقون في البعث. Donc le retour vers Allah Azza wa Jal, les gens donc seront séparés. Les gens seront séparés. Les gens vont se séparer. Amma fi dunya fahum sawa'. Mais dans ce bas monde, eh bien, ils sont égaux dans le sens qu'ils vivent. D'accord? Il va, ce qu'il dit, il dit ya'ishuna kulluhum. Tous vivent. Donc il dit le shaykh, fi dunya fahum sawa'. D'accord? Yatafarraquna fil ba'th. Amma fi dunya fahum sawa'. Ya'ishuna kulluhum. وربما يكون الكافر أحسن حالا من المسلم من ناحية الثروة والمال والصحة وهو كافر. Donc il dit, ils se sépareront bas monde, eh bien, ils sont pareils, ils vivent, tous vivent, tous vivent. Et il dit aussi, et peut-être que le mécréant dans ce bas monde a un état meilleur que celui du musulman du point de vue des biens et de l'argent et de la santé, alors que c'est un mécréant. Wal mu'min yubtala wa yajou' wa yamrad wa ya'rid lahu al-ashya' al-mu'dhiya wa yamut 'ala hadhihi al-hal li'anna Allah addakhara lahu al-jazaa' fi al-akhirah fi'atihi jazaa' 'amalihi fi al-akhirah. La yumkin an yudhi'a 'amalahu abada. Donc vous voyez, le jour de la résurrection, le jour du retour, lors du retour vers Allah le Très-Haut, donc les gens vont se séparer. D'accord? Donc tandis que dans ce bas monde-là, les gens ils sont pareils, tous vivent, ils sont pareils dans le sens qu'ils vivent. Ils sont différents dans le sens que il y a des musulmans, il y a des croyants donc et des mécréants. Ils sont soit croyants, soit mécréants. Mais sinon, ils sont pareils dans le sens où est-ce que tous vivent. Et il dit le cheikh Salah al-Fawzan, Hafizullah, il dit, et peut-être que même le mécréant a un état yani, de vie qui est meilleur, qui peut être meilleur que le musulman du point de vue de l'argent, de la richesse, des biens, de la santé, alors que c'est un mécréant. Mais le croyant, et le croyant, il est éprouvé. Le croyant, il est éprouvé. Il a faim, il tombe malade, il est éprouvé donc par des choses qui le nuisent et il meurt dans cet état. Il peut mourir dans cet état. Car Allah le Très-Haut lui a préservé donc la rétribution dans l'au-delà. Lui a préservé la rétribution dans l'au-delà. Donc il lui donne cette rétribution-là de ses œuvres dans l'au-delà. Et toutes les œuvres que donc le croyant a fait ne seront pas perdues du tout. D'accord ? Ne seront pas du tout perdues. Mais Allah Azza wa Jalla le rétribuera. Donc il se peut que le croyant ait éprouvé, il tombe malade, qu'il a faim, il a des difficultés, il est nui par des choses et qu'il meurt dans cet état-là. Mais Allah Azza wa Jalla lui réserve cette grande rétribution là pour l'au-delà des œuvres pieuses qu'il a accomplies dans ce bas monde là. D'accord ? فهذه من أدلة البعث. Donc cela fait partie donc des preuves du retour vers Allah. وهي أدلة عقلية قرآنية على البعث. Et ce sont des preuves de la raison et du Coran concernant le retour vers Allah. وأدلة البعث كثيرة. Et les preuves sur le retour vers Allah le Très-Haut, dans l'au-delà, eh bien, sont nombreuses. لكن مع هذا أنكره الكفار الملاحدة وبعض الناس يؤمنون به لكن لا يستعدوا له فكأنه ينكره. Ensuite, il dit le cheikh Hafidahullah. Il dit donc les preuves concernant le retour vers Allah, yani dans l'au-delà, sont nombreuses. Mais malgré cela, il y a encore des gens qui renient cela. Parmi les mécréants, parmi les athées, et il y a également des gens qui croient au jour dernier, mais ils ne s'y préparent pas. Donc il dit, le cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhullah, il dit, mais il y a également des gens, donc qui c'est qu'il renie? Ce sont les mécréants, les athées. Et il dit, il y a également des gens qui croient au jour dernier, mais ne s'y préparent pas, eh bien, c'est comme si qu'ils le reniaient. C'est comme si qu'ils le reniaient. Le fait qu'ils y croient, mais ils ne s'y préparent pas, c'est comme si qu'ils le reniaient. وَالْمُرَدْ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Et ce qui est voulu par le jour dernier, مَا بَعْدَ الْمَوْتِ C'est ce qui est après la mort. C'est ce qui est après la mort. Donc là, on comprend bien, hein, concernant le pilier, le cinquième pilier de la foi, donc la croyance au jour dernier, on est toujours dans cette explication-là, il dit, ici un point à souligner, Inch'Allah, il dit, ce qui est voulu par le jour dernier, c'est ce qui est après la mort. Ma ba'd al-maut kulluhu huwa al-yawm al-akhir. Tout ce qui est après la mort, eh bien, tout ce qui est après la mort, c'est le jour dernier. فَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَفَاضَتْ رُوحُهُ دَخَلَ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا Donc il dit, le cheikh Hafidhahullah, il dit, si l'individu meurt et que donc son âme, d'accord, son âme donc a quitté son corps, donc l'individu meurt, eh bien il entre ainsi dans le jour dernier et il est sorti de ce bas monde. وأول ذلك et la première étape أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وإنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه من من ربك ما دينك من نبيك ثلاثة أسئلة فإن أجاب عنها بجواب صحيح نجا وفاز وأفلح نجا وفاز وأفلح وإن لم يستطيع الجواب خاب وخسر وضل سعيه في الحياة الدنيا. Donc ensuite il dit, le cheikh, il dit, Hafidhahullah, la première étape donc de cela, de l'entrée dans le jour dernier. On se rappelle, l'entrée dans le jour dernier, la première étape, c'est le fait qu'il meure. Une fois qu'il est mort, il a quitté ce bas monde et il est rentré dans le jour dernier. Donc le jour dernier, comme le dit Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah, le jour dernier, c'est tout ce qui est après la mort. C'est le jour dernier. Parce qu'il a quitté donc ce bas monde et il est rentré dans le jour dernier. Donc il dit ensuite, il dit, donc la première des choses, c'est que lorsqu'il est mis dans sa tombe et que la terre a été remise sur lui et que les gens donc de l'endroit où est-ce qu'ils l'ont enterré, et ensuite il mentionne donc le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, du hadith de Anas radiallahu anhu. Le mort, lorsqu'il est mis dans sa tombe, que les gens l'ont recouvert de terre et qu'ils sont sortis, eh bien le mort entend les pas de leurs sandales. Puis vient deux anges. Lorsque viennent les deux anges, l'âme est restituée au corps du mort. L'âme est restituée à son corps et les deux anges le mettent en position assise. Et les deux anges lui posent la question, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Donc le Cheikh Salah Hafidhullah, il dit ensuite, il dit trois questions. Donc s'il répond, donc si le mort auquel donc son âme lui a été rendue, eh bien, s'il répond à ces trois questions, avec les réponses qui sont bonnes, eh bien il est sauvé et il a le succès. Mais s'il ne peut pas répondre à ces trois questions, alors il aura perdu, dû à son égarement dans ce bas monde. فإن قال قائل كيف جاء الملكان إليه في قبره ونحن لا نراهما. Donc si quelqu'un donc pose la question en disant comment donc deux anges peuvent venir dans sa tombe alors qu'on ne les voit pas. الجواب, la réponse, الله على كل شيء قدير. Allah peut faire tout ce qu'il veut. Wa amma anta faqad ghuyiba anka kathirun min al-umur. Tandis que toi, il y a énormément de choses qui te sont inconnues. Fal malakan ya'tiyanihi wa anta la tarahuma. Les deux anges viennent à ce mort pour lequel son âme lui sera rendue à cet instant, et toi tu ne les vois pas, ces anges-là. Et toi, est-ce que tu vois ton âme qui rentre dans ton corps? Est-ce que tu peux voir tout? Est-ce que tu vois ta raison qui te différencie des autres? Est-ce que tu la vois, ta raison qui te différencie des autres? Ma kullu shay'in la tarahu laysa mawjoudan. Hadha kalam al-madin al-taba'i'in. Amma ahlu al-iman fa innahum yattasi'u imanuhum li kulli ma waradat bihi al-akhbar al-sahiha. Donc ensuite il dit, le Cheikh Hafidhahullah, il dit donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose que ça veut dire que tu ne vas pas y croire. Est-ce que tu as raison, est-ce que tu la vois? Donc si tu dis que tu ne vois pas ta raison, donc tu n'y crois pas, donc tu n'as pas de raison, mais tu as une raison qui te différencie des autres. Donc il dit, le fait de dire que ce que tu ne vois pas, n'existe pas. Ça, ce sont les paroles des gens qui se tiennent. Ça, ce sont les paroles des gens qui se tiennent au discours que c'est la nature qui fait comme ça, et qui disent « je crois ce que je vois », etc. Ce genre de discours. Donc, il disait le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit « ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose que tu ne dois pas y croire ». Ça, ce sont les paroles des gens qui croient uniquement, là, qui disent ce genre de paroles qui sont interdites à dire. Car c'est renier que c'est Allah Azzawajal qui fait ce qu'il veut. Le fait de dire, la nature, c'est, mère nature, c'est elle qui fait cela, etc. A'udhu billah. Ou bien, les gens qui se tiennent seulement, soi-disant qu'ils ne tiennent qu'au concret. Je ne crois que ce que je vois, etc., etc. D'accord ? Donc, tous ceux qui tiennent ce genre de discours, on leur répond, avez-vous une raison ? S'ils disent oui, on leur dit, est-ce que tu vois ta raison ? Est-ce que tu as une âme ? S'ils disent oui, est-ce que tu la vois, ton âme ? Donc, tandis que les gens de la croyance, ahlul iman, les gens de la croyance, les gens de la foi, eux, leur foi, elle accepte tout ce qui est mentionné avec les informations qui sont authentiques. Et ils ne rentrent pas avec leur raison sur ces choses-là. Fal malakan يأتيانه ويجلسانه ويستنقطانه من ربك ومن نبيك وما دينك. Eh bien, les anges viennent à ce mort-là, pour lequel, une fois qu'il sera mis dans sa tombe, recouvert de terre, et que les gens auront quitté cet endroit-là, l'âme, donc le mort, entendra les pas des sandales des gens quittés. Puis lorsque les anges arrivent, l'âme lui sera rendue à ce mort-là. Les anges descendent, le mettent en position assise et lui poseront comme question: quel est ton Seigneur, quel est ton prophète et quelle est ta religion? فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. Le croyant répondra à ces questions en disant: mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fayunadi munadin an sadaqa 'abdi fa afrishuhu min al-janna wa wassi'u lahu fi qabrihi madd basarih wa aftahu lahu baban ila al-janna. Donc lorsque le croyant aura répondu à ces trois questions, eh bien il sera dit: mon serviteur a dit vrai, étendez-lui du paradis, parce qu'en fait il va avoir une porte qui va s'ouvrir sur le paradis. Et élargissez-lui sa tombe, yani Dieu, yani madda basari, c'est-à-dire à perte de vue. Et ouvrez-lui une porte sur le paradis. Fayatihi min rawhiha wa tibha wa yara manzilahu fil janna. فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Puis le fait que cette porte là, donc c'est toujours dans le hadith qui est sahih, lorsque cette porte là lui sera ouverte vers le paradis, eh bien viendra donc les odeurs du paradis, les parfums du paradis, et il verra sa place au paradis. Et il dira: ô mon Seigneur, ya Rabb, aqim as-sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali. Ô mon Seigneur, fais que ce soit l'heure du jugement, fais que ce soit l'heure jusqu'à ce que je retourne vers mes proches et mes biens. فَيَسِيرُ قَبْرُهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. Donc sa tombe devient donc un jardin, yani un jardin des jardins du paradis. Un des jardins du paradis. Sa place devient un des jardins du paradis. وَإِنْ كُنَّ لَنُشَهِدْ هَذَا. Eh bien on y croit même si on ne le voit pas cela. D'accord ? وقد يشاهده بعض من يطلعه الله عليه. Eh bien, il se peut témoigner donc quelqu'un pour qui Allah Azza wa Jal lui a donné l'opportunité de voir cela. ولكن هذا ليس بلازم. Mais cela donc n'est pas obligatoire. D'accord ? Qu'Allah le montre. وأما المنافق والمرتاب الذي عاش على الشك في الدنيا فإنه يموت على الشك. Tandis que l'hypocrite, yani ceux qui vivent avec les doutes dans ce bas monde, eh bien il meurt sur les doutes. Celui qui vit sur les doutes dans ce bas monde meurt sur les doutes. فإذا سأله, si les deux anges donc, lorsque celui-ci, cet hypocrite et celui qui vit dans les doutes, donc l'hypocrite qui vit dans les doutes et l'autre qui vit dans les doutes et qui meurt donc dans les doutes, lorsque les deux anges lui poseront les trois questions dans la tombe, lorsque les deux anges lui poseront les trois questions dans la tombe, وقال من ربك, et que les anges lui disent quel est ton seigneur. Qu'est-ce qu'il va répondre ce genre d'individu, les hypocrites et donc ceux qui vivent donc avec ces doutes là ils vont répondre la adri, je ne sais pas. À la question qui est ton seigneur, ils répondront je ne sais pas. Ma dinuk, à la question quelle est ta religion, qala la adri, il dira je ne sais pas. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu, j'ai entendu des gens dire des choses alors je l'ai dit. Man nabiyuk, à la question qui est ton prophète, qala la adri, je ne sais pas, il dira je ne sais pas. Li'annahu fi ad-dunya lam yu'min bi qalbihi, pourquoi ils répondront donc, yani ces hypocrites là, pourquoi ils répondront, ceux qui vivent dans le doute et qui meurent donc dans le doute, pourquoi ces trois questions là? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi donc à ces trois questions là, eh bien ils répondront donc je ne sais pas. À la question quelle est ta religion, je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire des choses alors je l'ai dit. Il dit le cheikh Salah Al-Fawzan hafidhahullah, il dit li'annahu fi ad-dunya lam yu'min bi qalbihi, parce que dans ce bas monde il ne croyait pas avec son cœur. Wa innama takallama bi lisanihi, mais il parlait avec sa langue. Il parlait avec sa langue, il n'y croyait pas avec son cœur. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu, comme dans le hadith sahih, j'ai entendu des gens dire quelque chose alors je l'ai dit. Min bab al-mujara, min bab al-mujarati lahum wa hadha huwa al-munafiq alladhi yaqulu ma yaquluhu al-mu'minun. Donc ça, pourquoi en fait il disait avec sa langue alors qu'il n'y croyait pas avec son cœur, ça c'est l'état de l'hypocrite. L'état de l'hypocrite qui voulait en fait montrer aux croyants que il était comme eux, soi-disant il est comme eux, d'accord? C'est ce qu'il dit, il veut prétendre cela. Wa yusalli wa yasum, il prie et il jeûne. Yani, tu le vois, il prie, il jeûne, il te dit ce que les croyants croient, mais lui il le dit, mais il n'y croit pas. Tu le vois, il prie, tu le vois, il jeûne. Walakin laysa fi qalbihi iman, mais dans son cœur il n'y a pas de foi. إنما يفعل هذا من باب المدارة ومن باب التقية. Il faisait cela juste pour espérer se faire accepter, d'accord, par complaisance. Il faisait cela par complaisance, d'accord, et il faisait cela par taqiyya, comme les chiites. C'est quoi les chiites? Taqiyya, ça c'est dans leur croyance, la croyance des rawafid qui sont des kuffars. Ça c'est dans leur croyance. La taqiyya, c'est le fait de mentir. C'est soi-disant une sorte de protection qu'ils ont, c'est qu'ils mentent. Ils mentent aux gens de la sunna. Par exemple, vous parlez avec des chiites et tu leur dis que penses-tu de Aïcha, radiallahu anha? Oh, on respecte. Ça c'est, vous voyez, ceux qui sont très avancés dans l'égarement des chiites. Ils vont vous dire ce genre de paroles. Oh non, on respecte les sahabes, on respecte. C'est pour ça qu'il y en a plein parmi les frères qu'Allah les guide et nous guide, qui se font avoir par des chiites, en disant non, j'ai parlé avec eux, ils disent qu'ils respectent les sahabes. Ah non, j'ai parlé avec eux, ils disent qu'ils respectent les mères des croyants. Ça c'est la taqiyya. Et lorsqu'ils sont entre eux, eh bien, ils disent que la malédiction d'Allah soit sur les sahabes et sur Aïcha radiallahu anha, a'oudhu billah. C'est ça la taqiyya, c'est-à-dire mentir aux gens, d'accord, c'est mentir aux gens, et ça c'est une croyance qu'ils ont, notamment chez les chiites. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font, ces munafiqin? Eh bien, ils le disent avec la langue, d'accord. Ils priaient avec les gens, ils jeûnaient avec les gens, ils disaient avec la langue, d'accord, par complaisance et par mensonge, ils disaient ça. لأجل أن يعيش مع المسلمين فقط وهو لم يؤمن بقلبه. juste pour qu'ils vivent avec les musulmans alors qu'il ne croit pas avec son cœur, eh bien, dans quel état il sera, hein, dans la tombe, lorsqu'il lui sera posé ces questions-là, il dira « je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire des choses, j'ai dit comme eux, je ne sais pas ». Voilà comment il va répondre à ces trois questions. « لو كان فصيحا متعلما يحفظ المتون والأسانيد » فإنه في القبر يتلعثم ولا يستطيع أن يتكلم ويغيب عنه. نعم الله المستعان. Et là il y a un point d'ailleurs, barakallahu fikum, que mentionne le shirk. Donc on a vu là le premier point, c'est sur le croyant, comment il va répondre. Oui, mais ça c'est Allah المستعان, ça c'est le jahl, c'est que l'ignorance. Donc le premier point, on a vu le cas des croyants. Le croyant qui est sincère, qui faisait des efforts afin d'œuvrer, de faire de bonnes œuvres, en espérant qu'Allah Azza wa Jalla accepte de lui, il meurt, eh bien il répondra aux trois questions. Le deuxième cas, ce sont les hypocrites et ceux qui vivaient sur le doute et qui sont morts sur le doute. Lorsque les trois questions, quel est ton Seigneur, quelle est ta religion, quel est ton prophète, ils répondront, je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire des choses, j'ai dit comme eux. Et le troisième cas, maintenant, que mentionne le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhullah, il dit, وَلَوْ كَانَ فَصِيحًا مُتَعَلِّمًا يَحْفَظُ الْمُتُونَ وَالْأَسَانِيدِ فَإِنَّهُ فِي الْقَبْرِ يتلعثم ولا يستطيع أن يتكلم ويغيب عنه الجواب ويقول لا أدري ولكن سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده. سبحان الله. Et là, il y en a d'autres. Donc, on a vu parmi les hypocrites, hein, le deuxième cas, on avait vu parmi les hypocrites. Le troisième cas, là, ce sont des gens qui se font passer pour des croyants. Aussi parmi, c'est comme des munafiqins aussi. Na'am, akhi. Mais ces gens-là, comparés au cas précédent qu'on a vu, là ce sont des gens qui mémorisent des moutounes. Là ce sont des gens qui mémorisent des moutounes. Yarni, tu parles avec lui, il mémorise des moutounes, il mémorise des chaînes de transmission. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il mémorise des chaînes de transmission, il mémorise des motounes, mais c'était un munafiq. A'oudou billah, qu'Allah nous en préserve. Eh bien, dans sa tombe, lorsqu'il lui sera, les motounes, les motounes, ce sont les textes en fait. Vous savez, les textes, il y a des livrets, na'am, les textes, c'est-à-dire, vous savez, il y a des livrets qui sont courts sur la aqida, les quatre règles, les trois fondements. Yani, ce sont, barakallahu fik, des épîtres. D'accord ? Le matin, donc c'est le singulier de mutun. Le matin, c'est le texte. D'accord ? Donc ce sont les textes, barakallahu fik, comme que ce soit, les textes, les textes courts sur la aqida, sur, vous savez, les quatre règles, barakallahu fik. Na'am. Ce sont des gens qui mémorisent des textes, des moutounes, qui mémorisent des chaînes de transmission. Subhanallah. Il y en a même qui mémorisent des hadiths. D'accord ? Mais ce sont des munafiqines. Et bien dans la tombe, malgré qu'ils mémorisent tout cela, et qu'il lui sera posé ces questions-là, et bien le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhullah, il dit, et bien, « Fil qabr yatala'atham, wa la yastati'u an yatakallam, وَيَغِيبُ عَنْهُ الْجَوَابِ. Eh bien, il va bloquer. Il ne pourra pas répondre. Il ne saura pas, il ne pourra même pas parler. Il ne pourra, est-ce que tu m'entends, c'est ce qu'on m'entend clairement là, Inch'Allah? Il ne pourra, oui, Inch'Allah, ok, Alhamdulillah. Donc, celui-là là, qui mémorise ces moutounes-là, ces nids-là, ces textes, ces chaînes de transmission, Malgré qu'il mémorisait cela, il est dans la tombe lorsque lui sera posé ces trois questions-là. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Eh bien, il bloquera. Il ne pourra pas parler. Et la réponse lui sera inconnue. ويقول لا أدري ولكن سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده وأعتقده. Il dira, je ne sais pas, mais j'ai entendu des gens dire des choses, alors je l'ai dit sans que je le connaisse, sans que je ne connais rien du tout, et sans que j'y croie. فينادي مناد. Alors, il y aura une voix qui appellera, qui dira, أن كذب عبدي. Il sera dit donc, mon serviteur a menti. فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ. Étendez-lui donc du feu. وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. Et ouvrez-lui une porte vers le feu. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ وَلِعْيَاذُ بِاللَّهِ. Donc ensuite il dit, le Cheikh Saleh Hafizahullah, il dit, donc lorsque il lui sera dit, eh bien, étendez-lui du feu et puis ouvrez-lui une porte vers le feu, eh bien, il, donc ce mort-là qui est dans sa tombe, lorsque les deux anges viendront, le mettront assis, lui poseront les questions, l'âme lui sera rendue, il lui pose les questions, il dira, je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire des choses, alors je l'ai dit sans le connaître, sans y croire. Alors il sera dit, eh bien, mon serviteur a menti, étendez-lui du feu, ouvrez-lui une porte vers le feu. Alors il se met à recevoir la chaleur de l'enfer. Et tout, yani, la chaleur et puis tout, yani, tout ce mal-là de l'enfer. Et sa tombe sera très étroite. D'accord ? Elle deviendra étroite, étroite, étroite, contrairement aux croyants. D'accord ? Ça coupe de temps en temps. Allah al-Musta'an. Sinon, le cours il est aussi en direct sur la radio La Sunna, sur MixLR. MixLR.com/la-6, sunna. Donc il sera dit, donc vous voyez, c'est quelqu'un, barakallahu fikum, on se rappelle que là c'est quelqu'un qui mémorisait des moutounes, qui mémorisait des textes, qui mémorisait des chaînes de transmission, des hadiths. Donc lui, en apparence, devant les gens, il mémorise, d'accord ? En apparence, il connaît, mais en fait, il fait partie de ces cas-là, de ces munafiqines. Lorsqu'il meurt, même si c'est un hypocrite qui dit avec sa langue pour avoir de la complaisance aux croyants, en leur montrant qu'il connaît des choses et qu'il est comme eux, soi-disant en apparence, eh bien, lorsqu'il meurt, et que les trois questions lui seront posées, quel est ton Seigneur ? Quelle est ta religion et quel est ton prophète? Il dira, je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire des choses, alors je l'ai dit sans le connaître et sans y croire. Il le sera dit, donc mon serviteur a menti, étendez-lui donc étendez-lui de ce qui fait partie du feu et ouvrez-lui une porte vers le feu. Et il se met à recevoir tout ce qui est la chaleur donc. Hein? Et il voit l'enfer, il a une porte dans sa tombe qui est ouverte sur l'enfer, sur le feu, il le voit, il a sa chaleur, il voit comment que c'est, et que sa tombe se rétrécit et devient de plus en plus étroite, jusqu'à ce que, yani, ses côtes, yani, s'entrecroisent tellement que ça devient serré contre lui. A'oudou billah, qu'Allah nous en préserve. وَيُصْبِحُ قَبْرُهُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ. Et sa tombe devient donc un trou parmi les trous du feu. فيقول يا ربي لا تقم الساعة. Il se mettra à dire « Oh Seigneur, ne fais pas que l'heure arrive. » لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَامَتِ السَّاعَةَ فَمَا بَعْدَهَا أَشَدُّ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَلِعْيَاذُ بِاللَّهِ. Parce qu'il sait que, pourquoi il dit « Oh Seigneur, ne fais pas que l'heure arrive. » Parce qu'il sait que si l'heure arrive, eh bien ce qui suivra sera pire. Qu'Allah nous en préserve. Donc pourquoi il va dire au mon Seigneur, au Seigneur, ne fais pas que l'heure arrive. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik akhi. Donc de toute façon on va terminer sur ce point inchallah. Donc pourquoi il va dire au Seigneur, ne fais pas que l'heure arrive, parce qu'il sait que si l'heure arrive, ce qui viendra par la suite sera pire encore de ce qu'il est en train de subir dans la tombe actuellement. Donc on voit l'état du croyant et l'état du munafiq, de l'hypocrite et de celui qui vit avec les doutes et qui meurt sur les doutes, et celui qui en apparence mémorise des textes, mémorise des chaînes de transmission, mémorise des hadiths, alors qu'en fait il faisait ça juste une image qu'il donnait, et c'était un hypocrite en fait, qu'Allah nous en préserve. Et bien dans la tombe il ne pourra pas répondre aux trois questions malgré qu'il connaissait mémoriser, et lorsqu'il répondra je ne sais pas, la adri, j'ai entendu des gens dire comme cela, alors dire des choses, alors j'ai dit ce qu'ils ont dit sans savoir, sans connaître et sans y croire. Et bien son état fait que il lui sera dit, étendez-lui du feu, ouvrez-lui une porte vers le feu, et il ressentira donc la chaleur du feu. Et il verra l'état de l'enfer, A'oudou billah. Et il dira, ô Seigneur, ne fais pas que l'heure arrive, car il sait que ce qui viendra après sera encore pire de ce qu'il est en train de subir, parce que la tombe se rétrécit sur lui, se rétrécit jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Vous voyez, qu'Allah nous en préserve, A'oudou billah. Donc on va, Inch'Allah, ça va faire une heure là, une heure neuf, on va s'arrêter Inch'Allah sur ce point là pour aujourd'hui. On continue donc Inch'Allah dimanche prochain à 20h, c'est-à-dire 8h du soir, comme aujourd'hui Inch'Allah on va commencer. Donc la semaine prochaine on continue donc les explications des Arba'in Nawawi de Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhullah, pour terminer ce cinquième pilier de la foi, qui est la croyance au jour dernier. Barakallahu fikum, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.